إبراهيم يقول والقميص الأخضر et le camis vert. لم أكويه بعد. سأكويه الآن إن شاء الله. Donc il dit je ne l'ai pas encore repassé. لم أكوي بعد comme on a dit لم avec بعد, c'est-à-dire pas encore comme لما. Je le repasserai après إن شاء الله ou maintenant enfin إن شاء الله. إبراهيم يقول والمناديل أكويتها et les mouchoirs ou les savettes les as-tu repassés? أمي كويتها في الصباح. Il dit ma mère les a repassés ce matin. إبراهيم يقول أتريدين أن تقولي لي شيئا؟ veux-tu me dire quelque chose? نعم إن زميلي سلوى زميلتي نعم زميلتي سلوى دعتني إلى بيتها هذا المساء فأرجو أن تسمح لي بالذهاب إلى بيتها بعد صلاة العصر. Il dit oui. Certes, ma camarade Salwa m'a invité chez elle, dans sa maison, cet après-midi. Da'at, ça vient de Da'a qui veut dire invité, quand ça va venir. Enfin, j'espère que tu me permettras d'aller chez elle après Salat du Asr. Donc, il y a cool. Et Zahbi wa Rji'i ba'd Salat al-Maghrib. Donc, vas-y et reviens après la Salat du Maghrib. Amina. Ya Aba Muhammad Ta'ala Huna. Wandur. إن محمدا يجري على سلام على سلام أخشى أن يقع. Donc Amina dit au père de Mohammed, Yaba Mohammed, viens ici et regarde. Ta'al, ça vient de Ta'ala. Certes, Mohammed court sur l'escalier. J'ai peur ou je crains qu'il ne tombe. Akhsha, ça vient de Khoshia, ça vient aussi. Ibrahim Yakoul, la tajri ya Mohammedou, Ta'al huna. ما هذا بيمينك؟ أريني إرمي هذا التراب. Donc Ibrahim dit ne cours pas au Mohammed, viens ici. Qu'est-ce qui est dans ta main droite? Montre-moi. Arini, ça vient de Ara Yuri. Et là, Arini, c'est montre-moi à moi. إرمي هذا, jette ça. Ça vient de Rama Yermi. Ça va venir. هذا التراب, c'est de la terre. Il y a Troulou Mahmoud. Mahmoud rentre. Fadal. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. جئت اليوم متأخرا يا محمود فما السبب؟ Donc il dit tu es venu aujourd'hui en retard ou Mahmoud, quelle est donc la cause? شكوت اليوم احد زملائي الى المدير فطلبنا الى مكتبي للتحقيق. Donc il dit je me suis plaint aujourd'hui d'un de mes camarades chez le directeur. شكوتو c'est de celle de شكا يشكو. Et il a désiré de nous. Il nous a voulu dans son bureau pour l'enquête. Voilà, réaliser ce qui s'est passé, quoi. Tarkiak, là, on dira, ce serait plutôt une enquête. Ibrahim Yakoul, Lima Shakaoutahu, Lima Zat, es-tu plein de lui? لأنه دائما يأخذ كتبي ودفاتري ويتوي أوراقها. أوراقها, نعم, صح. Car à chaque fois, il prend mes livres et mes cahiers et il plie les feuilles. Ces feuilles, c'est-à-dire les feuilles des cahiers. Tawayatoui, ça va venir, c'est plié. Ou enroulé aussi, ça peut aussi enrouler. Ibrahim Yakoul, ma hadil halawa allati ma'ak, hadiyatun hadihi amishtaraytaha. Donc il dit, quelles sont ces sucreries qui sont avec toi? Est-ce là un cadeau ou les as-tu achetées? Ishtaraytaha li annani uridu an adu'a thalathatan min zumala'i ila baytina. Donc il dit je les ai achetés car je voudrais inviter trois de mes camarades demain à la maison, à notre maison. Ibrahim Yakoul, Udruhum Litanawel Litanawul, enfin. Udum Litanawul Ashaï Badradin. Fasayakunu Ammuka Moussa Aidon Ma'ana Insha'Allah. Donc il dit invite-les afin de prendre le dîner après demain. Et ton oncle Moussa également sera présent, sera avec nous, Insha'Allah. Non. Voilà, donc comme on a dit, on va prendre Inch'Allah ce qui concerne le Al-Fi'l, Al-Mu'tal, Al-Akhir, celui dont le lem, c'est Harf Illa, la dernière lettre. Toujours dans le Fi'l Soulassi, le verbe à trois lettres. Donc Tamarine, on les garde pour le prochain Dars, Inch'Allah, les questions. Ça porte au Dars. Il dit Thanien, Hadihi Amsilatun Il-Fi'l, Al-Mu'tal, Al-Lem. Celui dont le lem est Harf Illa, et on appelle également Mu'tal, Al-Akhir. Mathalen, Kawa. Yakoui, qui veut dire repasser. Macha, yamshi, qui veut dire marcher, avancer. Jara yajri, qui veut dire courir. Rama yarmi, qui veut dire jeter, lancer. Baka yabki, qui veut dire pleurer. Et là, comme tu le vois, mardi, il a un alif maksour, qui est la forme d'ayar. Et ce verbe-là, quand il a un alif maksour, au moudalir, ce alif maksour se transforme en quoi? En ya. Car c'est son origine. Il se transforme en ya. Donc tu dis, kawa, et au moudalir, yakoui. Deuxièmement, da'a yad'ou, shaka yashku, tala yatlou. Tala, c'est réciter, lire. Maha yamhou, qui veut dire effacer. Afa yafou, qui veut dire pardonner. Da, on a envie de le dire, c'est invoquer ou s'y inviter ou appeler. Et chaque yashku, c'est se plaindre. Celui-là, tu vois, son lem, au mardi, c'est un alif, mamdou, droit, comme un bâton. Et celui-ci se transforme en waou au bout d'un alia, comme tu l'as pu le voir dans les verbes exposés. Ça dit, ta'ammal al-amsilata thumma aktub al-mudali'a al-marfu'a wal-mudali'a al-majzoum wal-amr min al-afal al-atiya. Donc il dit de méditer ce qui suit, et ensuite d'écrire le verbe au présent, marfo, ainsi que le majzoum, ainsi que l'impératif des verbes suivants. Donc premièrement, il prend l'exemple de baka, qui veut dire pleurer. Mardi, c'est baka. Le mudali al-marfo, c'est yabki, ayuwa yabki. Son origine, c'est yabkiou. Mais les verbes qui ont un ya à la fin, comme celui-ci, ou un waou, ou un alif, ils ne prennent pas de harakat à la fin. Comment on dit la harakat, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Yabki. Il est marfou. Alamat rafi'i, c'est quoi? J'ai pas compris. C'est quoi le signe du raf de Yabki? Yabki, il est... Il est marfou, là. Il est marfou, là. Il est la domma, comme tu dis. Aïe, wa muqaddara. Elle est sous-entendue. On peut pas la voir. On prend ça pour tous les verbes. Les verbes, le mortel akhir, celui dont la fin est à hafla'illa, au moudalir, la domme n'accepte ni la domma. Taïeb, il n'accepte pas la domma. Du moins, les lames, tu ne la vois pas. Al moudalir al majzoum. Lam yabki. Donc là, on a rentré lame dans yabki. Et c'est quoi sur alamat al-jazm? C'est qu'on enlève le hafla'illa. On l'enlève. À la base, c'est le ya, on enlève le ya. Donc on dit lame yabki. Et non pas lame yabki. C'est ça son signe. Ça, c'est la nouvelle alamat jazm qu'on prend aujourd'hui. C'est harf, harf illa. Le fait d'enlever le harf de illa. Le harf qui est à la fin du verbe mortel akhir. Et l'amr, tu dis ibki, pleure. Et pareillement, lui, comment on fait? On enlève, comme le mudala majum, on enlève le harf illa. On enlève le lem. Vous voyez? On enlève le lem. Ensuite, macha. Macha qui veut dire avancer, comme on l'a dit, marcher. Moudalir, yamshi. Pareillement, l'origine, c'est yamshiou, mais ça se dit pas. Donc la domma, elle est mukaddara, elle est sous-entendue. Mais il est marfou. Quand il est majzoum, tu dis lam yamshi. C'est quoi son signe du jazm? On enlevait le ya. C'est-à-dire, on enlevait le ya. Et le amr, imshi. C'est-à-dire, mais pareillement, on enlevait le ya. Il est même ni. Tu me amr, même ni. Ça viendra, inch'Allah, dans notre livre. Kawa, repasser. Moudalir, yakoui. L'origine, c'est yakouiou. Al-Mudala Majum, tu dis Lam Yakui. Talib, Lam Yakui. Et le Amr, Ikui. Attention, dans le Mortel Akhir, tu te rappelles de la division qui est entre eux? Mortel Akhir, les deux catégories. Celui dont le Lam à la fin, c'est Half Illa. Tu as le Lafif Al-Makroun et le Lafif Al-Mafrouk. Tu te rappelles? Non, ça commence là. Ouais. Ça commence là. Donc le lafif al-makroun, c'est celui dont le lem et le aïn, tous les deux sont hafa'illa, comme kawa. Regarde kawa, il a un kef, un waw et un ya. Donc le waw au milieu, c'est hafa'illa. Et le ya, hafa'illa. Donc ça s'appelle quoi? Un lafif makroun. Et l'autre, c'est lafif mafrouk. C'est celui dont le fa et le lem sont des hafa'illa. Vous voyez? Celui dont le waou, le fa, la première lettre c'est hafa'illa, et le lem c'est hafa'illa. À l'exemple de. Je n'ai pas d'exemple qui vient en tête. Il va en mettre dans le livre. Waqa, masalan, nam, yaqi, qui veut dire protéger. Waqa, yaqi, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Ça veut dire dans le khulasa du tableau. Donc Kawa, lui, c'est un quoi? C'est un mot-al akhir qui rentre dans le catégorie du lafif, el, makroun. Celui dont le aïn et le lem, tous les deux sont des harf illa. Tayeb. Maintenant, tu fais pareil avec jara, rama, bana, saqa. Tfaddal. Jara, yajri, lam yajri, yajri. Naam. Rama, yermi, lam yermi, irmi. Bana, yibni, lam yibni, ibni. Bana, ça veut dire construire. On l'a pas dit encore. Saqa, yasqi, lam yasqi, isqi. Ça veut dire quoi, saqa? Saqa, c'est boire, non? Abreuver. Abreuver, boire. Non, donner à boire. طيب يدي تغذف اللام والفعل المعتل اللام في المضارع المجزوم وفي الامر دونك يدي كوا لو لام دو فيرب سيا لا حرف الا اي تنلفي lorsqu'il est majzoum et lorsqu'il est à l'impératif lorsqu'il est au amr comme on a dit au début طيب رابعا اكرم يلي دونك maintenant il donne des exemples avec ces verbes تفضل بنى ابراهيم عليه السلام الكعبة نعم يعني ابراهيم باتشي La Kaaba. Non, mais le Shaïb, c'est quoi? Ben, Yabni. Non. Thanien. Limada Tajiriya Wulaid. Limada, pourquoi cours-tu mon petit-fils? Petit-enfant. Petit-enfant. Non. El Shaïd Tajiri. Non. Thalifan. La termine Koma, Matay. Fishari, Aya, Akhi. Non. Et ne jette pas les ordures. Dans la rue, mon frère. Aya, El Shaïd, la termine, les Majoum. Et beaucoup de gens n'appliquent pas cette nasiha. Malheureusement. Dans ce pays. C'est triste. Tfaddal, Rabian. Isrini ma en barida. Ani. Tu peux dire serre-moi là. Serre-moi. Ouais, tu peux dire serre-moi. Serre-moi de l'eau froide. Non, donc le shahid c'est Isrini. Il vient de Sako Yasri. C'est fier homme. Khamisan. La tabini baytaka fi hadi karia. Ani ne bâtis pas ta maison dans ce village. Non, donc le shahid la tabni. Là il est majoum avec la nahia de Bana Yabni. Sadisan. Lam yati al-mudir al-yawm. Yani le directeur n'est pas venu aujourd'hui. Nam ata yati la il majzoum par lam. Sabian. Limada yabki al-tiflu ya Amina? Pourquoi pleure-t-il l'enfant? Oh Amina. Donc le shahid yabki min baka yabki la ya rien il est marfou. Avec la domma muqaddara sous-entendu. Thaminan. Ijri ya walad. Yani cours aux enfants. Non, le shahid Ijri. Amr de Jara Yajri. Ijri ya bint. Yani cours aux filles. Et là, on regarde. Ijri ya bint. Le ya est revenu. Mais ce ya là, c'est quoi? C'est pas le lem du fial. C'est quoi le ya ici? C'est Damir. Le mukhatab et le mu'annaf. C'est un Damir. Ils ont oublié de. Un petit point. Ouais, ils ont oublié de le mettre. Mais on l'a déduit, Inch'Allah. Donc là, le ya, attention, c'est le ya de comme taf'alina, c'est le même ya. Ashiram. Ihdina al-sirat al-mustaqim. Ihdina dans le droit chemin. Non, donc Ihdina, le shahid, c'est Ihdina qui vient de Hada, Yahdi. Ihdina, c'est guide-nous, un verbe à l'impératif. Qui a le sens de Dora ici. Mais c'est pas un ordre. On n'a pas d'ordre à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est un Dora ici. La tamshi fi shams. Non. Il ne marche pas dans le soleil. Donc, Shahid, la tamshi, majzoum, la inahia, min machi amshi. Sani Achar. Akewaiti le konsa, anaya ummi, la, lam akwiha bad. Yanni, as-tu repassé la chemise à ma mère? Non, je n'ai pas encore repassé. Non. Donc, Shahid, akewaiti, du kawai akwi. Wa lam akwiha, majzoum avec lam. نعم ثالث عشر يا أحمد اكوي هذا القميص ولا تكوي ذلك فإنه ممزق وأحمد غبس الشميز لأنه غبس بسلسي بس كي يلي ديشي نعم الصحيح قميص c'est pas une chemise eux dans le kitab ils l'ont mis comme chemise un قميص c'est un vêtement qui va du cou jusqu'au bas jusqu'en bas alors qu'une chemise ça s'arrête au milieu du corps la traduction qu'ils ont fait de قميص dans le kitab awel elle n'est pas correcte. Beaucoup de frères sont habitués à ça. Une chemise, c'est une chemise. Mais d'ailleurs, ici, ça s'appelle chemise. Donc, Shahid, Ikui, homme de Kawayakui, et l'Atakui, il est majzoum par la Nahia. Rabi Achar. Bikim Ishtaraita, Hadi Sa'at al-Jamila Taya Abdallah, أنا لم أشتريها إنها هدية من خالي. يعني كنا أشتري أشتري س س س جولي مونتخ عبد الله. Moi, je ne l'ai pas acheté parce que c'est une. Car c'est une. C'est un cadeau de mon oncle. Non. De mon oncle maternel. Chahid, je t'ai acheté. Et au début, il est quoi? Il est Moutassil Odamir, je t'ai tout. Ou je t'ai ta. Et le deuxième, il est Majzoum par Lem. Je t'ai ha. Lem, je t'ai ha. Il n'y a pas de dia. نعم خامس عشر لا تشتري هذه السيارة يا أحمد فإنها قديمة جدا لا نشتري pas cette voiture أحمد parce qu'elle est très ancienne نعم مشاهد لا تشتري ça vient toujours du verbe اشترى il est majoub par la naya ça dit عشر قال الله عز وجل في سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل نعم الله يجي dans Surat al-Fil, l'éléphant, dans une traduction relative du verset. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a fait des gens de l'éléphant. L'éléphant, là. Donc là, le shahid, Alam Tara. Tara, à la base, c'est Tara avec un alif maksour, comme Moussa. Et comme il est mortel à Akhir, il est majoum par Alam, ou plutôt Lem. Donc là, le majoum, on a enlevé le alif. Tara, Fakulakala. Taïeb. Donc, ça, c'est concernait le Mortel Akhir, qui est un Alif Maksoul qui devient un Ya ou Moudaria. Maintenant, on prend celui qui est un Alif Mamdoud qui devient un Waou ou Moudaria. Et dire, Khamisan, Ta'amel le Misel, ce Maktoub el Moudaria el Marfou, ou el Moudaria el Majoum, ou el Om, min el Afal Atiya. Le premier, Da'a, qui veut dire, on a dit, invoquer, appeler, inviter, ainsi de suite. Le Moudaria el Marfou, Yad'ou. Aslou, Yad'ou. Pareillement, l'origine c'est comme une domma que le marfou, mais le waou, montel akhir, il est comme le ya, il prend pas de haraka. Donc la domma, elle ne s'écrit pas. Mais elle est sous-entendue, elle est muqaddara, comme on dit, elle est muqaddara. Tout ça, il y aura plus de tafsir, inshallah, dans nos jurumiya ou d'autres kutub. El mudali al majoum. Parce qu'il est majoum, tu dis, lam yad'ou. Donc là, c'est quoi le signe du jazm? On a enlevé le harf illa, on a enlevé le waou. Et la domma qui est sur le ayn, c'est une preuve qui t'indique que la lettre qui a été enlevée, c'est un waou. Sinon, tu ne veux pas savoir. Cette doma là que tu vois sur le haï, l'âme biadrou, c'est une preuve que la lettre enlevée, c'est un waou. Et pareillement, on ne l'avait pas dit dans les autres verbes avec le ya. Par exemple, l'âme yabki, la kasra qu'il y a sous le kef, par exemple, pareillement, c'est une preuve qui démontre que la lettre qui a été enlevée, c'est un ya à l'origine. El om oudrou. Ayeb, Oudrou, et comme on était fait, on enlevait le waou. Ayeb, le lame est enlevé. Ayeb, Ibda, Bishaka, Faddal. Shaka, Yashku, Lam Yashku, Ushku, Tala, Yatlu, Lam Yatlu, Utlu. Tala, ça veut dire quoi déjà? Tala, Yani, Psalmoji, hein, réciter. Ouais, réciter, lire, non. Maha, Yamhu, لم يمحو أمحو إمحا سيدي أقوى يفسي نعم عفا يعفو لم يعفو أفو طيب كي دير باردوني حسنت دونك ماما يبغى دوني ديكزومبل اك دي فراز مفيدة دي جمل مفيدة اك سي فيرب إكرام يالي في نودور بيزار جي با جي ان بو رومي دونك جي شري با معنى مختبر طيب الجملة الأولى تفضل نعم شكاني زميلي إلى المدرس وأنا شكوته إلى المدير يعني mon camarade s'est plaint auprès du professeur auprès du professeur et moi je me suis plaint de lui auprès du directeur نعم donc le chahid c'est Shaka Yashko أيوه. تلا الإمام سورة الفيل في ركعة الأولى وسورة الإخلاص في ركعة الثانية. يعني الإمام ريسيتي لا سورة الفيل dans la première raquette et سورة الإخلاص dans la deuxième raquette. نعم. شهيد تلا نعم. كيف يقول يا سيدي موليا. ثالثا قلت له سورة الرحمن يا علي يعني غسيت لا سورة الرحمن وعلي دونك لو تلو سي الامر دو تلا يتلو رابعا دعوت صديقي الى قريتي يعني جي انفيتي مون امي هان دون مون فيلاج نعم دونك سي دو دعا يدعو تدي دعوت لوسكو دعا ثانيا ان شاء الله هذه خامسا لم يشكني المدير الى ابي يعني le directeur ne s'est pas plaint auprès de mon père. De moi, de moi auprès de mon père. Non. Donc là, le chahid, c'est chaque yashkou, là, les majoum, pas même. قال المدرس للطالب للطالب عفوت عنك يعني le professeur a dit à l'élève يعني je te pardonne c'est ça نعم je te pardonne donc là le شهيد عفوت عنك عفا يعفو سابعا لما تمحو هذه الكلمة هي صحيحة امحو التي بعدها يعني امحو التي بعدها نعم pourquoi tu effaces ce mot elle est authentique il est authentique plutôt نعم correct ايوه يعني efface celle qui vient après نعم donc là le شهيد تمحو من محا veut dire effacer Et umhu, c'est le mot, c'est l'amr, l'impératif. Efface. Faminan. Aïe suratin tatlina ya ummakuthum. Utlu surata. Ah, ana. Atlu. Atlu nam. Atlu surata yasin. Et quelle surat as-tu récité au maire de Kuthum? Plutôt ça, c'est mon droit d'hier. Quelle sourate récites-tu? Quelle sourate récites-tu? Au maire de Koufoum, j'ai récité sourate Yassine. Pareil, c'est mon droit à dire. Je récite. Aujourd'hui. Ça y est. T'as assez, hein? Ah ouais, le chalit, tatlina, mine de tela yatlou. On va apprendre, inchallah, quand les damaïs ils sont rentrés. Pourquoi, quand est-ce qu'on enlève le aïn? Le lem plutôt, du verbe. T'as assez, hein? ندعو الله أن يشفيك. نعم. يعني nous implorons Allah qui te pardonne, qui te guérisse. نعم. شهيد ندعو من دعا يدعو. عاشرا. أشكوتني إلى المدير يا حمزة. لا لم أشكك. يعني t'es-tu plaint? T'es-tu plaint auprès du directeur ou Hamza? T'es-tu plaint de moi? Non, de moi? Non. Auprès du directeur ou Hamza? Non, je ne me suis pas plaint de toi. Donc le Shahid, Shaka Outani de Shaka Yashkou. Et l'autre, c'est Lam Ashkouk, Majzoum Bilam. Non. Hadi Achar. Qala Nuh, alayhi salam, Rabbi, inni da'outu qawmi, laylan wa nahara. كما جاء في سورة النوح نوح عليه السلام عدي monseigneur j'ai certainement appelé يعني mon peuple nuit et jour نعم comme il est venu dans سورة النوح نعم والشهيد دعوته من دعا يدعو قال الله تعالى في سورة البقرة أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة الله تعالى dit dans سورة البقرة ceux-là ils appellent au feu alors qu'Allah appelle au paradis نعم donc avec les شهيد يدعون qui ont دعا يدعو et يدعو الله والله يدعو من دعا يدعو مضارع ثالث عشر وقال في سورة يونس والله يدعو إلى دار السلام donc Allah عز وجل l'a dit dans سورة يونس et Allah appelle يعني à la maison de la paix c'est ça ouais. On va dire ça non littéralement parlant c'est comme ça se traduit maintenant s'il y a un sens tafsir ou quoi je ne le connais pas non 14 Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat al-Qasas, وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. Yani Allah a dit dans Surat al-Qasas, et n'appelle pas avec Allah une autre divinité. Imam Mouchahid la tadou, qui est Majum Lainahi. Et donc maintenant il va t'apprendre à quoi ? À attacher les domaïr à ces verbes-là. Comment on fait pour mettre les domaïr ? On m'a dit, ah, on doit dire. Ça veut dire, il dit, Asnid al-Afal Atiya il est le Ra'iba, Thumal Mutakallim, Kamawa Mouaddihun, Fil Mithal. Donc il dit, tu dois attacher, tu dois annexer les domaïr du Ra'ib et ceux du Mutakallim sur les verbes exposés. Premièrement, il dit Hamid Baka. Tu vois, Hamid Baka. Donc le fa'il est où là ? C'est dans le même sotir, tu as dit où ? Donc là, il n'y a rien. Aminadou Bakat, et Hiya. Donc là, comme on a le tikan sakidein entre le alif d'origine et le ta, on en fait tomber le ta. Donc on dit Bakat, on ne dit pas Bakat. Et quand c'est avec Ana, ou tout ce qui est avec le ta qui vient derrière, et ben le alif que tu vois à la fin de Baka, il se transforme en Ya, car c'est son origine. Donc il dit Ana Bakaitu. Vous voyez, tu dis Anna Bakaitu. Non, Tradol. Hamid Rama. Hamid a lancé. Hamid Rama. Non. Hamid Rama. Aminatu Aramat. Non. Anna Aramaitu. Arsent. Aminadun Ata. Aminatu Atat. Non. Anna Ataitu. Hamidun. Hamidun Jara. Aminatu Jarat. أنا جريت حاملة كوى آمنة كوت أنا كويت حاملة دعاء. Et là, pareil, il y a juste un tambih. Donc là, comme tu as vu, quand tu as un livre comme ça, la fin Maksoura, Alif Maksoura, son origine c'est un ya. C'est pour ça qu'il redevient un ya lorsqu'il est accroché au domir tu, te, ti, tum, ainsi de suite. Et là, da'a, yad'u, là, ce alif, son origine c'est un waou, donc c'est la même règle. Il va redevenir à son origine, si tu l'attaches au domaïr, tu, taati, ainsi de suite, il va se transformer en waouh. Non, vas-y. Ah, enfin, Hamidun da'a, donc Hamid a appelé ou invoqué. Damir, Mustatia, Togdilou, Roua. Aminatu da'at, donc là on a Etikwa Sakinein entre le alif et le ta, donc on enlève le alif, donc on dit da'at, à la wazn. Mais maintenant, après le alif là. Fa'at, ayo. Alif là, tu vois. Non. Comment dans à l'écoute, hein? Tu vas différencier s'il est levé ou est. Ça c'est après c'est du par cœur. Tu les connais les gars. C'est tu les connais. Ouais, après tu les connais. Ana da'awtu. Vous voyez, j'ai appelé ou invoqué ou invité. Donc là le alif il s'est retourné en waouh. Tu dis da'awtu. Non. Toi te donne. Hamidatun shaka. Aminatu shakat. Ana shakawtu. Non. Hamidatun Raja, Aminatu Rajat, Ana Rajaitu. Rajaoutu. Rajaoutu. Raja, c'est espéré. Rajaoutu. Nam. Hamidatun Tala, Aminatu Talat, Ana Talaoutu. Nam. Talaoutu. Talaoutu, non, non. Non, Talaoutu. Tout le temps, dès que tu vois l'effort comme ça en haut, il devient un waouh. Hamidatun Maha, Aminatu Hamat, Mahat, plutôt. Ana bahawtu. Donc il dit à la fin, Bakat aslouhu, Bakat, comme on l'a dit, Khuzifat el alif, visabab el tikwa sakinein. Et pareil, da'at, l'origine c'est da'at, et elle a été enlevée pour le tikwa sakinein. Maintenant, Samuel, il dit, Ajib al asilat il atiya, bil nafi mustamilan lam. Donc là, tu as des questions, tu réponds avec lam. Et tu fais attention à la fin du verbe. Donc moi, je fais la question, toi tu fais la réponse, inshallah. Awalan, Bakat atif, est-ce que l'enfant a pleuré? La mebki. La mebki. Là, yabki, il est quoi? Majoum par l'em. Donc, on ne met pas le lien. Thanien. Akawait al-kamis. As-tu repassé le kamis? La. Lam akwihu. Akwi. Akwi, nam. Nam. Akwi, nam. Il dit non, je ne l'ai pas repassé. Thalithan. Ashakaka al-mudarrisu il al-mudir. Est-ce que le professeur s'est plaint de toi auprès du directeur? Non. Là, on va à Nashi. Non, je te dis. Je t'ai pas confirmé. Là, لم يشكني المدرس لم يشكو نعم لم يشكني المدرس الى المدير نعم رابعا ادعوت زميلك الى البيت as-tu invité ton ami ton camarade à la maison نعم لم ادعو زميلي الى بيتي خامسا بنيت بيتا جديدا as-tu construit une nouvelle maison لم أبني لا لم أبني بيتا جديدا. سادسا أمحوت اسمي من دفترك. As-tu effacé mon nom de ton cahier؟ نعم لا لم أسم لم لم أمحو اسمك من دفتر من دفتر من دفترتي. دفتري. من دفتري نعم. نعم. سابعا أتى المدير اسكو لو مدير ات اريفي كوا أتى أتى المدير اسكو لو مدير ات اريفي لم يأتي لا لم يأتي نعم ثامنا أرميت الكمامة في مكانها as-tu jeté les poubelles à leur place لا لم أمري أم أمريها أرمي أرميها نعم في مكانها طيب تاسعا أرأيت عليا في الفصل as-tu vu علي dans la classe رأيت عليا في الفصل لم أرى نعم لم أرى لم أرى عليا في الفصل تدي لا لم أرى طيب أحسنت طيب تاسعاً يدي أتري اللال ناهية على الفعل الذي بين قوسين أمام كل جملة ثم أكمل به الجملة donc tu rentres اللال ناهية devant les verbes qui sont entre parenthèses et tu complètes la phrase avec تفضل الجملة الأولى تشكوني إلى المدير يا أستاذ faut que tu rentres اللال ناهية toi tu prends le verbe là et tu mets تشكوني إلى المدير يا أستاذ نعم Ne te plains pas de moi auprès du directeur ou professeur. Fanian. La tabni al masjida fi hadha al-shari'. Non, ne construis pas la mosquée dans cette rue. Salifan. La tabki ya walad. Ne pleure pas au enfant. Rabian. La tatwi hadhihi waraqata ya akhi. Ne plie pas ou n'enroule pas cette feuille au mon frère. La tajri fi al-shari'i ya walad. Ne cours pas dans la rue au walad ou enfant. Salifan. La tamhu hadhihi kalimata ya Ahmed. N'efface pas ce mot au Ahmed. La tad'u ma'allahi ilahan akhar. N'invoque pas avec Allah une autre divinité. Thaminan. La tamshi fi shamsi ya Muhammad. Non, ne marche pas sous le soleil, on dira comme ça, au Muhammad. Tayeb, là il va t'exposer une autre forme du verbe mortel akhir. Celui qui vient à la wazn fa'ila. À la wazn fa'ila. Comme. Il dit « Achiran ta'amel mayali » Mais dites ce qui suit. « Nasiya » Nasiya ala aywaz fa'ila. Voyez. Et le moudalir « Yansa » Ça devient un lif maksoura kada. Voyez. « Yansa » Il oublie. Et donc il prend les mêmes règles que les autres. Lorsqu'il est majoum, on enlève le lem. Le haf'illa, il tombe. Voyez. Et lorsqu'on l'accroche à un domir, il se transforme en la lettre à laquelle il ressemble, c'est-à-dire quoi? Un ya. Parce que regarde, l'âme Yansa, c'est un alif maksour, et l'origine d'un alif maksour, c'est un ya. Donc il dit, Nasiya, il a oublié. Yansa, il oublie. Lam Yansa, il n'a pas oublié. Et là, la fatra qui est sur le sin, c'est comme les autres trucs, c'est une preuve que la lettre qui a été enlevée, c'est un alif. Et le Amr, Insa, pareil, on a enlevé alif. Khoshia, qui veut dire craindre, à la wazn fa'ila, pareil, il prend les mêmes règles. Khoshia, Yarsha, et il craint. Et pareillement, Yelsa et Roshia, tous les deux sont mal fourts. Seulement, la Dhamma ne peut pas apparaître. C'est comme Moussa ou El Fata. C'est comme les règles du Ism Maksour. Car le Alif, il n'accepte pas de Harakat. Donc la Dhamma, elle est quoi? Mokaddara. Tu ne la vois pas. Quand tu dis Majoum, tu dis Lam Yarsha. Donc là, on a enlevé le Alif. Majoum, Bilam. Et la Fatha que tu vois sur le Shin, c'est la preuve que la lettre enlevée, c'est un Alif. Et le Am, Yarsha. Craint. Barqiya yabqa, qui veut dire rester. À la waz fa'ila, pareil. Donc il prend les mêmes règles. Yabqa, la dhamma le muqaddara, tu la vois pas, il est marfou. Lam yabqa, L'aile est majoum par l'aime, on enlevait l'alif. Et le homme, ibka. Donc il dit ikram mayali. Donc là, il te donne encore des exemples avec ces verbes-là. Mm-hmm. Et les phrases exposées là, c'est des verbes, les verbes là, nasiya, khashiya, baqiya, pour apprendre à les percevoir. Autre là ? Ah oui, trop de. أبقي من الطعام شيء لا لم يبقى منه شيء يعني reste quelque chose de la nourriture non il ne reste plus rien de la nourriture نعم et donc le شيء c'est البقية نعم ثانيا ذهبت أمي إلى مكة وبقيت هناك شهرين يعني ma mère est partie à Mecca elle est restée là-bas deux mois نعم لا تنسى ما قلت لك قلت لك يعني نوبلي با سكو جو تي دي نسيت مع معنى هذه الكلمه يعني جو بلي لا لوسون دو سو مو دونك اوبلي فان اتونسيون ici on dit pas نسيت ou dit نسيت parce que là bas c'est une kasra qui a sur le signe comme dans nasiya c'est une kasra donc tu dis نسيت نعم خامسا يخشى الله ولا تخشى احدا غيره يعني اي peur d'Allah Un craint Allah. Non. Et n'aie peur de personne d'autre, en dehors de lui. Non. Ça dit ça. Ana ansa kathira. Et moi j'oublie beaucoup. Ma havara talhatu mundu usbu'ayn. Akhsha an yakuna marida. Yani. Talha ne s'est pas présenté depuis deux semaines. Je crains pour lui qu'il soit malade. Non. Qala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. يتبعوا الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى ما عمله عمله نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث نعم trois choses suivent le mort نعم trois choses suivent le mort sa famille يعني c'est bien et ses actions et deux choses lui reviennent à lui non les deux choses يعني se repartent et une reste يعني sa famille et ses biens dont part hein dont sont partis et une et ses actions dont il reste avec lui il dit Hamidoun Masha Aminatou Mashat Hamidoun Nasia, Aminatou, Nasiat. Il prend les mêmes langues que les autres. Attendez, maintenant il t'expose comment mettre les domaïres avec ces verbes. C'est-à-dire, Achal dit Isnadou, Macha et le domaïre. Il t'apprend comment mettre Macha avec le domaïre. Ici, si on t'apprend à faire avec Macha, tu sauras le faire avec les autres verbes pareil. C'est les mêmes règles. Donc, Hamidoun, Macha. Là, le domaïre, c'est Moustatir, c'est voix. El Aouladou, الأولاد مشو أصله مشيو إيه مشيو mais on peut pas faire la, on peut pas rencontrer le ya avec le waw donc qu'est-ce qu'on fait on enlève le ya et on dit directement مشو à la wazn c'est comme si en fait à la wazn فعو طيب à la wazn فعو on enlève le lam طيب أميناتو مشات أصله مشات les petits cos sakinés donc on enlève l'alif البنات مشينا طيب مشينا دونك لا on a quoi on a remis nous l'histoire انت مشيتا tu as marché donc on a dit quoi le alif maksoul se transforme en ya quand il est attaché à un domir tu dis انت مشيتا tu as marché انتم مشيتم انت مشيتي انتن مشيتن انا مشيت نحن مشينا Donc le seul endroit où il faut faire attention, c'est quand c'est au Jamara. Le ya, on l'enlève. On dit hum, machou. Hum, machou plutôt. Avec une fatha. Ensuite, il te fait la même chose avec le mudaria. Isnad, yamshi, il est le mudaria, il est le damir. Il est le damayer. Là, c'est avec le mudaria. Comment on fait? Hamidun, yamshi. Donc là, il n'y a rien. Damir, c'est mustatir, tabdiru, huwa. El aouled, yamshoun. Et l'origine, c'est quoi? Yamshiyoun. Yamshiyoun. Seulement, comme on a la rencontre entre le ya et le waou,